Bonjour tout le monde, ici André Péloquin et vous écoutez Podmodernisme, le 39e épisode. Alors, bonjour tout le monde, pour ceux qui écoutent cette balado-diffusion pour la première fois, bonjour! Je m'appelle André Péloquin, comme je le disais il y a quelques secondes, et puis vous écoutez Podmodernisme, c'est une balado-diffusion qui tente de se spécialiser dans tout ce qui se fait d'alternatif au Québec, que ce soit en français ou en anglais, tout style confondu. Et pour les autres, vous le savez déjà, alors on va y aller dès maintenant en musique. On va avoir, lors du premier bloc musical, des pièces de Patrick Watson. Ça va très bien, ses affaires à lui, là. Fantastique même, tout un battage publicitaire et médiatique et critique alentour de son nouvel album. Donc, bravo pour lui. Un peu avant, on va avoir du Hot Springs avec une nouvelle pièce qui devrait se retrouver sur leur album Apparaître. En attendant, elle est disponible sur le sampler de l'édition 2006 de Pop Montréal, le CD distribué gratuitement. Vous devriez être capable de mettre la main sur une copie assez facilement, merci. Si vous êtes dans les environs de Montréal, un peu avant, on va avoir une espèce de super groupe réunissant des membres de Wolf Parade et de Destroyer. Je parle bien sûr de Swan Lake. On va entendre la pièce Widow's Walk. Et on va débuter avec un groupe local qui commence à faire beaucoup de bruit. Un projet qui réunit des membres de Panurge, si je ne me trompe pas. Je parle de Pas Chic Chic. Ils seront d'ailleurs en concert le 21 ou à la Casa del Popolo en compagnie de Miracle Fortress. On va écouter leur hit. Sera sur le maxi qu'ils vont lancer ce soir-là. Je parle bien sûr de Sur les écrans statiques. Oh oh! Oh, Don't show that to me, I don't want to hide. What grows on my heart, I give to myself. One day it will shine on the affected side. Till then, go away, I'll be back in time. Selfish girls get everything done. Selfish girls get everything done. Selfish girls get everything done, done. So what am I the baby? Selfish girls get everything done. Selfish girls get everything done. Selfish girls get everything done, done, done. On vient d'entendre Luscious Life de Patrick Watson. Un peu avant, on avait les Hot Springs avec Gotta DJ. Un peu avant, Willow's Walk, une pièce de Swan Lake. Et on a débuté avec Pas Chic Chic. C'était la pièce sur les écrans statiques. Je vous rappelle qu'ils seront en concert le 21 à la Casa del Popolo en compagnie de Miracle Fortress. On va poursuivre dès maintenant avec des trucs un petit peu plus folk. On va avoir du Moussette. On va aussi avoir le projet de Hugo Mudy, un projet de country plus traditionnel dans la même volée que Woody Guthrie, Jack Elliott, etc. Pour ceux qui ne le savent pas, Hugo Mudy, c'est aussi le chanteur de la formation punk de St. Catharines et du projet folk Yesterday's Ring qui réunit dans le fond la joyeuse clique des St. Catharines. Oh là là! Et un peu avant, on va voir les Avec Podcast avec Dans les bras de la femme bionique, mais on va débuter avec Brian Seeger. Je vous le rappelle, si vous avez besoin de plus de détails sur ces groupes, si vous voulez avoir leur biographie ou voir quand ils sont en concert ou acheter leurs albums, je vous laisse faire votre propre recherche. Allez sur mon site podmodernisme.blogspot.com, podmodernisme. blogspot.com. Là-bas, il y a des liens sur tous les groupes. On débute dès maintenant avec Too Dark and You My Love de Brian Seeger sur Podmodernisme. Ah ah! Oh oh oh! Oui! Serveuse pendant de la boue du comptoir. Et si l'amour devient une affaire de plastique, j'irai dormir dans les bras la femme bionique. J'irai dormir dans les bras la femme bionique. J'espère que maman va se pogner dans le trafic quand j'irai dormir dans les bras la femme bionique. Quand j'irai dormir dans les bras la femme bionique. Thank you. C'était Moussette avec La Morte est morte. Un peu avant, on avait H.P. Crostello et John P. Hearst avec la pièce Band on the Floor. Un peu avant, avec Podcast, avec le désormais classique Dans les bras de la femme bionique. Et on a débuté avec Brian Seeger. C'était la pièce To Darken You, My Love. On va poursuivre avec des trucs un petit peu plus dansants, un petit peu plus gays. On va avoir, entre autres, du Otari qui abonde dans le hip-hop maintenant. Oh oui, c'est un fait. Parlant de hip-hop, on va aussi avoir The Incredible Pack avec la pièce Mes Amis, groupe méconnu mais qui gagne à l'être par contre. D'ailleurs, ils font du sampling sur le thème de Passepartout et ça, je respecte ça. Je m'en tape la poitrine. Respect. Oh, respect. Un peu avant, on va avoir une pièce que j'aime beaucoup de l'album Idéologie des Stars de Numéro qui sort le 7 novembre sur Saboteur Records. C'est la pièce Journaliste, mais on va débuter avec l'explosive Machine de Frigide. C'est déjà tout pour moi. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je vous invite à me rejoindre par courriel à podmodernisme@gmail.com. Il y a aussi le site web, vous avez déjà le lien, je l'ai dit précédemment. Je m'appelle André Péloquin, c'était le 39e épisode de Podmodernisme et on se reprend d'ici une semaine ou deux. Salut tout le monde! Accélérateur. Je suis machine. fer camouflé d'un gant de cuir, un regard de glace tel une statue de cire. Mâchoire carrée parfaitement symétrique, modèle pareil en chirurgien plastique. Stop. va sous les dames. Lorsque nec sous les cames, t'es sème gené qui camette au sous les arbres. Ceci c'est pour mes partners, ce que je respecte à jamais. Ceci c'est pour mes partners. Otari, lèche des battes, on se trouve drôle avec nos faces plates. C'est des games, nous écouter, on va tout te déchirer. Le hip-hop, c'est un peu drôle, mais on aime mieux le rock'n'roll. Il fait chaud, je suis de la craque, en ouais, sort ton catraque. Pour un beat, chie des notes, on fait de la musique de plot. On est Otari, on s'appelle Otari. On est Otari, on s'appelle